بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Kafha ya ayn sad. Kafha ya ayn sad. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. C'est un récit de la miséricorde de ton Seigneur envers son serviteur Zacharie. إذ نادى ربه نداء خفيا. Lorsqu'il invoqua son Seigneur d'une invocation secrète. قال رب إني وهن العظم من واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. Et dit: Ô mon Seigneur, mes os sont affaiblis et ma tête s'est enflammée de cheveux blancs. Cependant, je n'ai jamais été malheureux, déçu, en te priant, ô mon Seigneur. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. Je crains le comportement de mes héritiers après moi, et ma propre femme est stérile. Accorde-moi de ta part un descendant. يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله ربي رضيا. Qui hérite de moi et hérite de la famille de Jacob, et fais qu'il te soit agréable, ô mon Seigneur. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. Ô Zacharie, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils. Son nom sera Yahya, Jean. Nous ne lui avons pas donné auparavant d'homonyme. Et Zacharie dit: Ô mon Seigneur, comment aurais-je un fils quand ma femme est stérile et que je suis très avancé en vieillesse? قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. Allah lui dit: Ainsi sera-t-il. Ton Seigneur a dit: Ceci m'est facile, et avant cela je t'ai créé alors que tu n'étais rien. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. Ô mon Seigneur, dit Zacharie, accorde-moi un signe. Ton signe, dit Allah, sera que tu ne pourras pas parler aux gens pendant trois nuits, tout en étant bien portant. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. Il sortit donc du sanctuaire vers son peuple, puis il leur fit signe de prier matin et soir. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. Ô Yahya, tiens fermement au livre la Torah. Nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il était enfant. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. Ainsi que la tendresse de notre part et la pureté, il était pieux. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا. Et dévoué envers ses pères et mères, et ne fut ni violent ni désobéissant. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا.